Jean-Pierre est un pur produit de l'Aude. Artisan dans le Lauragais près de Castelnaudary, il vous fera visiter sa poterie aux méthodes ancestrales où sont encore tournés à la main les fameux plats à cassoulet. Vous le découvrirez, Jean-Pierre est authentique, autant que ses cassoles. Jean-Pierre vous dévoile ses meilleures expériences à vivre dans l'Aude sur audetourisme.com. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Il y a eu une situation, il y a à peu près un an, où je me suis vue effectivement avoir des préjugés. Je m'occupais d'une petite patiente de 4-5 mois qui venait pour une bronchiolite. Et sa maman, Fleur, pédiatre en réanimation pédiatrique, était d'origine africaine subsaharienne et je la voyais assez loin du berceau, même quand on rentrait dans la chambre pour examiner sa fille. Elle avait vraiment une attitude assez éloignée. Et je me suis dit, ah bah, c'est peut-être dans sa culture. Et puis finalement, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à chercher, notamment un trouble relationnel avec son enfant, une souffrance. Et donc j'ai commencé à la questionner. Et en fait, elle m'a fait part de son histoire, qui était effectivement assez difficile. Elle avait quitté son pays d'origine depuis peu. Elle avait accouché en France. Elle était mariée à une personne dont elle n'avait pas envie... comme Marie, elle avait laissé plusieurs enfants dans son pays d'origine et elle se sentait déprimée et en fait ça pouvait très bien expliquer en fait son état, son lien un peu éloigné avec sa fille. Faire de la santé autrement. Une série documentaire de Claire Richard réalisée par Assia Ralid. Épisode 4, ce que le racisme fait à la santé. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience encore mieux que très souvent, on explique des comportements par des différences culturelles. Et ça conforte nos croyances. C'est un peu le propre du racisme. Et qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent autrement que par la différence culturelle. Et qu'en fait, on se ressemble beaucoup plus qu'on ne le pense. Et peut-être qu'en fait, on se cache derrière ces différences culturelles pour se protéger aussi. Ou peut-être parce qu'on a peur... d'être impuissant. Le problème du soignant, c'est que très souvent, face à des patients ou des proches, il a le syndrome de Superman. Il veut absolument arranger les choses, guérir, soulager. Et en fait, face à cette situation, j'avais expliqué son attitude, mais je me sentais assez démunie face à ce que je pouvais faire, moi, en tant que médecin réanimateur qui allait voir son enfant. Alors bien sûr, j'en ai parlé à la psychologue, à l'assistante sociale, et peut-être que eux auront pu déclencher des choses. Mais moi, je me suis sentie démunie et je me suis aussi projetée dans cette maman et je me suis dit, mais en fait, j'aurais probablement la même attitude. Et donc ça m'a aussi renvoyée face à mes propres sentiments, ce qui n'est pas toujours facile aussi dans notre métier. Comment est-ce qu'on s'en départit ? Eh bien, je ne suis pas sûre du tout que la société à l'heure actuelle en soit au stade de se départir, en fait, de ces catégorisations. Priscille Sauvegrin, sociologue et sage-femme. En tous les cas, ce qui me semble vraiment important, c'est d'être conscient de leur construction. C'est-à-dire d'être vraiment très alerté sur le fait que, quand on vit en société, eh bien, en fait, les groupes créent des frontières. Nous sommes l'héritier de sociétés de classe et nous sommes l'héritier de sociétés avec des colonies. La médecine occidentale invente la race par le biais tout d'abord des classifications émises par les naturalistes. Donc c'est essentiellement dans la période des Lumières que des naturalistes comme Linné, Buffon ou Blumenbach classent l'humanité en race humaine. Delphine Peretti-Courtis, historienne. C'est une période, donc cette période des Lumières, durant laquelle on voit apparaître également des controverses scientifiques entre polygénistes et monogénistes. Le monogénisme, véhiculé par l'unique message chrétien qui prédominait jusqu'alors, diffusait la croyance selon laquelle il n'existait qu'une seule espèce humaine. Au cours du XVIIIe siècle, apparaissent des théories polygénistes selon lesquelles il existerait plusieurs espèces humaines. Voltaire, par exemple, est partisan de cette thèse polygéniste. Est-ce que, du coup, cette construction, cette nouvelle idée qu'il y aurait diverses races, elle vient servir ou elle est mobilisée avec l'esclavage ? L'esclavage joue un rôle très important dans cette taxinomie de l'humanité et du vivant. Parce qu'effectivement, Carl von Linné, lorsqu'il classe l'humanité en race humaine, il évolue, il écrit, il pense dans un contexte qui est celui de l'esclavage. Donc l'humanité a été hiérarchisée dans les faits pour les nécessités de l'esclavage avant de l'être par la science, avant que la science légitime cette hiérarchie de l'humanité. D'emblée, dans l'idée de race, il y a l'idée des hiérarchies. Alors tout à fait, il y a cette idée de hiérarchie dans ces catégorisations raciales parce que il y a des tempéraments qui sont associés aux différentes races. Par exemple, le tempérament lymphatique est attribué à ce que l'on a appelé la race noire et le tempérament lymphatique est aussi attribué au sexe féminin dans toutes les populations humaines. On considère donc qu'il y a des races plutôt viriles et des races plutôt féminines. Et considérant que la femme est inférieure à l'homme dans le discours médical des 18e et 19e siècles, attribuer un tempérament féminin à une population revient donc à l'inférioriser. J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les organes génitaux de cette femme, préparés de manière à ne laisser aucun doute sur la nature de son tablier. Je vous en prie, faites circuler. Les grandes lèvres peu prononcées interceptent un ovale de 4 pouces de longueur. De l'angle supérieur descend entre elles une proéminence demi-cylindrique d'environ 18 lignes de longueur sur 6 lignes d'épaisseur, dont l'extrémité inférieure s'élargit, se bifurque, et se prolonge comme en 2 pétales charnus, ridés, de 2 pouces et demi de longueur sur environ 1 pouce de largeur. Si l'on relève ces 2 appendices, ils forment ensemble une figure de cœur, dont les lobes seraient étroits et longs, et dont le milieu serait occupé par l'ouverture de la vulve. L'intérieur de la vulve, ni la matrice, n'ont rien de particulier. Sur quelles observations se fondent ces premières descriptions médicales des races ? Alors, ces premières descriptions des races humaines se basent sur des récits de voyage. Ce sont des descriptions souvent fantasques, des écrits d'explorateurs français, allemands, anglais. Mais les scientifiques ne se déplacent pas sur le terrain. Et ils vont lire ces récits de voyage et souvent utiliser dans ces récits ce qui sert leur propre théorie. Par exemple, Georges Cuvier, le célèbre anatomiste et paléontologue qui a disséqué Sargi Bartman, celle que l'on a surnommée la Vénus Hottentote, dans un rapport publié en 1817, établit une ressemblance ferme et immuable, selon lui, entre Sargi Bartman et Laurent Houtan. Il attribue également à ses caractéristiques physiques, comme son hypertrophie fessière, qui était en réalité pathologique et individuelle, lui attribue un caractère racial. Il attribue également à son élongation des lèvres génitales, donc un trait inné, immuable et racial. Dans le discours de Le Vaillant, par exemple, donc ce voyageur français qui a exploré l'Afrique du Sud et qui a décrit les populations Khoisan, lui, il considère que l'élongation des lèvres génitales des femmes est un trait culturel, ce que l'on apprendra par la suite. Bonjour. Monsieur. Georges Cuvier, vous avez dû recevoir une lettre du Muséum d'Histoire Naturelle vous annonçant ma visite. Nous voulons profiter de la présence de cette femme Boschimann pour l'observer de près. Mais avant tout, je dois m'assurer qu'elle fait réellement partie de la tribu Hottentote. Évidemment, c'est une véritable Hottentote, ce que vous croyez. Donc vous êtes sûr qu'elle possède réellement tous les attributs distinctifs de cette espèce? J'entends par là le célèbre tablier des Hottentotes. Je vous le confirme. Mais croyez-moi, j'en sais quelque chose. Je souhaite vivement faire examiner cette femme par un comité de scientifiques. Combien de temps? Quelques jours, tout au plus. Mais ne vous inquiétez pas, il est bien évidemment prévu de vous dédommager. Combien, monsieur? Nous possédons une enveloppe conséquente destinée à l'acquisition des espèces les plus rares. Si ce que vous prétendez de ces attributs féminins s'avère, nous nous montrerons très généreux. Les préjugés racistes, et notamment celui de l'animalité des hommes et des femmes noires, apparaissent donc durant la même période, donc celle des Lumières, chez Carl von Linné par exemple, pour qui le singe et l'animal rejoint l'homme dans la grande chaîne du vivant. À cette époque, l'on cherche donc, par la mise en lumière de l'existence de différentes catégories raciales, à insérer des paliers entre l'humanité blanche, dite civilisée et supérieure, et l'animal. Ces paliers sont les différentes races humaines. on considère que ce que l'on a appelé donc la race noire est plus proche de l'animal, dans une perspective qui, à l'époque, place l'animal au plus bas de cette échelle du vivant et l'homme blanc au sommet de l'échelle humaine. Cette animalisation des hommes et des femmes d'Afrique subsaharienne se retrouve de manière très récurrente dans les écrits des scientifiques au cours du XIXe siècle, qui vont décrire chaque partie du corps des hommes et des femmes noires en les comparant au corps des animaux. Cet exotisme présent durant la période des Lumières se voit remplacé au cours du XIXe siècle par une véritable rationalisation scientifique, et cette proximité à l'animal n'est plus simplement exotique, elle devient un trait racial et une marque d'un degré d'évolution. Et tout au long du XIXe siècle, les corps se voient décomposés, fragmentés, mesurés par les médecins. Chez Broca, par exemple, comme chez beaucoup d'autres médecins et anthropologues, la théorie et l'hypothèse précèdent l'étude, et Broca recherche dans le corps des individus les marques de l'animalité. Cette idée selon laquelle les hommes et les femmes d'Afrique auraient un avant-bras plus long que les hommes et les femmes d'Europe, ce qui serait donc, selon lui, un caractère simiesque. Broca était le père de l'anthropologie en France, un chirurgien renommé qui a ensuite été sénateur et qui a contribué également au fort développement de la craniométrie et de l'anthropométrie en France et en Europe. Le diamètre du crâne est de 7 pouces. Le diamètre du crâne, 7 pouces. L'angle de Camper est de 71 degrés. Les mamelles tombent à 4 pouces au-dessus du nombril. L'aréole paraît fort important. Vous pouvez la mesurer, s'il vous plaît. Aréole sein droit, 3 pouces. S'il vous plaît. Pouvez-vous vérifier la hauteur des fesses ? Ici, exactement. Attendez. Ne bougez pas. 3 pieds, 5 pouces et 4 lignes. Il me semble percevoir une sorte d'appendice, mais c'est très difficile à définir. Continuons les mesures. Raki Kassi est psychologue et travaille sur l'impact des discriminations et des stéréotypes sur la santé mentale. Il y a beaucoup de scientifiques, de psychologues qui ont eu un énorme impact dans l'histoire de la psychologie, qui ont beaucoup écrit aussi dans le sens des théories racistes. Je pense par exemple à Broca, qui est un scientifique très important dans la psychologie, puisqu'il est nerf du cerveau qui lui est dédié, l'aire de Broca, associé au langage. Mais je ne savais pas que, par ailleurs, Broca avait des écrits racistes, en fait, disant que les noirs et les blancs étaient différents, que la chevelure laineuse, le nez épaté, les lèvres épaisses étaient associées à une moindre intelligence, etc. etc. Donc ça, je l'ai découvert bien après. Est-ce que la psychologie s'est construite, comme la médecine à d'autres endroits, sur des bases racistes ? Oui, je pense. La psychologie a contribué à asseoir des idées racistes. Donc pendant nos études, on parle aussi de beaucoup de différences individuelles, interindividuelles, des mesures du crâne, etc., etc. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ceux qui ont fait ce type de mesures avaient en tête l'idée que les personnes noires étaient moins intelligentes que les personnes blanches. L'année dernière, justement en 2021, l'Association américaine de psychologie a reconnu le rôle de la psychologie dans la construction des idées racistes, dans la diffusion, leur construction et leur maintien. Il n'y a pas de travail similaire du côté français pour l'instant. Les dents sont serrées, belles, très blanches et très grandes, surtout les incisives supérieures, peut-être même plus grandes que la race nègre. Il est évident qu'il n'a pas tout à fait l'aspect d'une tête de nègre. Permettez-moi. Je vous en prie. C'est assurément dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet hottentote et l'orang-outan. Est-ce que vos fesses, vous les avez depuis tout enfant ? Et surtout si toutes les femmes de sa tribu sont comme elle. Après, oui, oui. Cette caractéristique particulière se retrouve chez certains singes, par exemple chez les femelles mamans. J'ai que le désordre des menstruations provoque un développement des fesses dans des proportions similaires. Est-ce qu'on peut à présent lui retirer ce satané bagne ? Enlevez-lui. Non. Non. Non. Quelle brutalité. L'animalisation des hommes et des femmes d'Afrique a également permis de justifier l'esclavage, puis la colonisation, encore le travail forcé, avec l'idée de robustesse qui était attribuée aux animaux. Ce préjugé de la robustesse, de la résistance ou de l'invulnérabilité des populations africaines, c'est un préjugé qui est très courant et qui va se voir transformé au cours du XIXe siècle en un savoir scientifique. Les médecins, les anthropologues recherchent dans les corps la marque de cette robustesse. Des médecins de la marine qui partent sur le terrain, comme le docteur Tally en 1866, recherche, au-delà de la robustesse, à vérifier s'il y a cette prétendue insensibilité à la douleur. Et il faut savoir qu'il y aura aussi des conséquences très réelles, notamment sur les prises en charge médicales sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui font mention du fait qu'ils ne distribuent pas, ne donnent pas d'anesthésiant à des femmes ou des hommes parce qu'ils savent qu'il y a une résistance très forte à la souffrance, à la douleur. Il y aura aussi des conséquences sur les politiques coloniales elles-mêmes et sur l'emploi de tirailleurs, de soldats sur le terrain colonial. Donc, beaucoup de théoriciens, de médecins, mais aussi de militaires, pensent qu'il faut trouver dans le corps de ce que l'on appelle les indigènes cette force qui serait innée et naturelle. Il y a simplement d'autres conséquences sur la prise en compte de la maternité, de la résistance des femmes lors de l'accouchement. Un grand préjugé, un grand stéréotype qui apparaît au cours du XIXe siècle et devient là aussi un véritable savoir scientifique parce qu'il se voit réapproprié par les scientifiques qui tentent de l'entériner, de l'authentifier. Et cela devient aussi un moyen pour de nombreux médecins de présenter un modèle à la femme française, à la femme de la bourgeoisie française, dont on dit qu'elle délaisse la maternité, qu'elle met ses enfants en nourrice et qu'elle délaisse donc sa mission et l'allaitement maternel. Voilà, donc la femme africaine, alors je dis la femme parce qu'effectivement elle devient un véritable modèle de maternité, est présentée dans de nombreux écrits médicaux comme la mère par excellence. Vous avez dans le discours des soignants, donc il y a 10 ans, très clairement, au moment où j'ai conduit la recherche, des soignants qui vous disent « Les femmes nées en Afrique subsaharienne, elles accouchent extrêmement bien. Donc c'est agréable de les prendre en charge en maternité. Elles sont autonomes, donc de la même manière que je décrivais tout à l'heure, elles sont autonomes pour leur allaitement. » Là, des soignants disaient « Elles sont autonomes pour leur accouchement. » Et en fait, cette donnée n'est pas confrontable à des réalités épidémiologiques. En fait, le groupe des femmes nées en Afrique subsaharienne en France est celui qui est le plus césarisé. Donc on ne peut pas dire « Elles accouchent bien. » Elles accouchent beaucoup plus souvent par césarienne que les autres groupes de femmes. Parce qu'en fait, vous avez des représentations, c'est-à-dire que si tous les soignants vous disent « je trouve que ces femmes accouchent bien », on peut imaginer que sur cette stéréotypie positive, cette femme va bien accoucher, du coup j'ai confiance en la manière dont elle va mettre son enfant au monde, et je vais peut-être la laisser aller un peu plus loin qu'une autre sur une situation que je trouverais un peu à risque, je sais qu'elle va bien pousser, je sais qu'elle va être plus autonome. Donc, par exemple, on voyait pour le coup dans nos bases de données des taux de forceps, donc d'extraction instrumentale, qui étaient très faibles pour le groupe des femmes nées en Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, une oreille musicale d'une grande finesse, mais aussi une grâce, une allure, une danse tribale primitive. Musique. La notion de race se trouve invalidée par la médecine au cours du XXe siècle. Alors, elle se voit invalidée par les scientifiques eux-mêmes. C'est leur volonté incessante de chercher à classer les races dans des catégories fixes qui a montré ses limites. À chaque essai, ils se sont retrouvés face à des échecs. La couleur de peau, par exemple, ne suffisait pas à classer les individus en race. Les crânes, ensuite, n'ont pas suffi. La forme des nez, la forme des lèvres, la forme des mâchoires. Ils ont également classé les individus par la pilosité, par le biais des attributs sexuels. Mais la découverte des groupes sanguins en 1900 offre un nouvel espoir à ces raciologues. Et ils essaient, dans les colonies notamment, de trouver des concordances entre groupes sanguins et races. c'est un échec à nouveau. Ce sont donc les scientifiques eux-mêmes qui démontrent qu'il y a une impossibilité à classer l'humanité en race. Et ce sont les découvertes dans le domaine de la génétique et des lois de l'hérédité qui démontrent que le patrimoine génétique des individus et de l'humanité est partagé à plus de 99,9%. Mais malgré cette invalidation de la race, les préjugés raciaux n'ont pas disparu. En effet, la construction des races humaines s'est déroulée durant plus d'un siècle et demi. On a ensuite diffusé ces connaissances par le biais de l'enseignement, par le biais de la culture, de la presse, de la publicité, des cartes postales. Donc ces stéréotypes ont été véhiculés, enseignés et ont imprégné les mentalités. Donc lorsque dans les années 1950, on invalide la notion de race humaine, tous ces préjugés, tous ces stéréotypes n'ont pas été déconstruits un à un. Et ils sont encore parfois très présents dans un inconscient collectif. Et chez des personnes qui ne voient pas forcément le problème aujourd'hui. Par exemple, alors je cite souvent cet exemple, mais l'idée du rythme dans la peau, c'est un stéréotype biologisant, essentialisant, qui est encore aujourd'hui très présent et qui, pour certaines personnes, n'est pas du tout, est considéré même comme valorisant. Alors le souci derrière les stéréotypes n'est pas de savoir s'ils sont valorisants ou dévalorisants, selon moi. C'est simplement de comprendre qu'il y a derrière le stéréotype une essentialisation des personnes. Et c'est là notamment le fait de considérer qu'il y aurait des facultés innées pour la danse. Et cela renvoie d'ailleurs aux théories du 19e siècle qui considéraient que le corps était prédominant chez les hommes et les femmes d'Afrique. Donc ces préjugés raciaux, il me semble qu'ils doivent être connus, étudiés, compris, si l'on veut qu'ils soient progressivement déconstruits. Ces préjugés se diffusent parfois sous la forme d'un savoir qui semble scientifique et s'installe dans les pratiques sans être questionné. C'est le cas du terme ethnique qu'a étudié Priscille Sauvegrain. En 1991, Émile Papernick, donc chef de service de la maternité de Port-Royal, suite à un séjour de recherche aux États-Unis, publie un article international sur le fait qu'il semblerait que dans des bases de données françaises à propos de jeunes femmes nées en Afrique subsaharienne ou dans les bases de données américaines à propos de jeunes femmes noires, on avait des grossesses qui semblaient un peu plus courtes. Et l'article conclut par une petite phrase qui dit, du coup, de ce fait, il serait sans doute intéressant de prendre plus attentivement en charge leur fin de grossesse, peut-être en proposant des déclenchements une semaine plus tôt, peut-être, voilà. Et ce résultat a été emmené dans un congrès. Donc, le congrès a lieu et plusieurs chefs de service reviennent, ou médecins, etc., et disent, il paraît qu'il faudrait faire plus attention à leur fin de grossesse, elle serait un petit peu plus courte, peut-être le placenta plutôt à terme, etc. Donc, on va faire plus attention à elle pour les fins de grossesse. Et donc, se développe, mais vraiment à beaucoup, de très nombreuses maternités du territoire, un protocole dit de termes ethniques, de termes couleurs, qui consistait effectivement à se dire on va faire plus attention aux fins de grossesse de ces femmes-là. Donc au lieu de les prendre en charge à 9 mois révolus pour accompagner la fin de grossesse toutes les 48 heures, puis ensuite proposer un déclenchement, on va faire ça une semaine plus tôt. Et le protocole diffuse, et donc là, moi, je m'en amuse avec mes lunettes de jeune sociologue en allant demander aux uns et aux autres, mais pour vous, le mettez-vous en place dans votre maternité? Oui, mais pourquoi? Parce qu'elles sont plus à risque. Mais elles sont plus à risque pourquoi? On ne sait pas trop. Peut-être que le placenta est plutôt à terme. Peut-être le bébé est plus mûr. Et dans ces cas-là, quid des fœtus dont le papa est noir et la mère est blanche? On ne sait pas. Du coup, je crois qu'aux Antilles, ils les déclenchent aussi plus tôt. En Guyane aussi, j'ai travaillé en Guyane, on ne les déclenchait pas plus tôt, finalement je ne sais pas, voilà. Et là on se rend compte que en fait c'est très vaste, une vaste catégorie, fourre-tout, une fois les Antillaises, une fois les filles nées en France de parents africains, l'autre fois non, moi je reste vraiment stricte juste sur le pays de naissance. Donc un jour je dis à mon chef de service, écoutez, j'ai l'impression que c'est un peu quand même n'importe quoi. En plus, je ne retrouve pas d'article sur le sujet, je ne retrouve pas d'évaluation de ce protocole. Et il me dit, c'est parce que tu ne sais pas chercher. Donc, on a passé une partie de la garde à éplucher diverses bases de données médicales. Et effectivement, ce protocole avait été mis en place et n'avait jamais été évalué cliniquement, premièrement. Deuxièmement, jamais soumis à aucun comité d'éthique. Donc, ce protocole se met en place et en fait, pendant toutes les années 2000, mais vraiment, je vous garantis que c'était la majorité des maternités françaises appliquaient ce protocole en pensant bien faire. Et le niveau d'information des femmes était très bas, en fait. Parce que, justement, comme on était dans une vision meilleuriste des choses, du coup, il y avait peu de femmes à qui on disait, on vous propose ça parce que vous êtes née dans un des pays d'Afrique subsaharienne, donc on pense que... Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, vous voyez? Et en 2010, le Collège national des gynécologues obstétriciens de France, avec le Collège des sages-femmes, etc., se met autour de la table pour pondre des recommandations de pratiques cliniques autour du suivi de la fin de grossesse et dit explicitement d'une ligne, il n'est pas recommandé de suivre de manière plus particulière la fin de grossesse des femmes nées en Afrique subsaharienne, puisque le risque n'a pas été démontré cliniquement. Et dans cette phrase, on n'entend pas que cette pratique a lieu depuis 10 ans en France. Et cependant, parce qu'il y avait par exemple une étude anglaise qui correspondait tout à fait à l'étude de M. Papernick, qui, elle, disait les femmes nées dans certains pays du Commonwealth auraient des fins de grossesse aussi plus à risque et finalement des durées de grossesse plus courtes parce qu'elles sont dans des situations sociales beaucoup plus défavorables et que ce stress social, avec aussi les hormones du stress qui sont émises, etc., etc., favoriserait un déclenchement plus précoce du travail. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout dans la même lecture. On est dans un sens dans une lecture très sociale de données cliniques et dans un autre sens dans une lecture très biologique de données cliniques. Au cours du 19e siècle, les médecins considèrent que les femmes africaines sont plus résistantes lors des accouchements. Et aujourd'hui encore, dans le corps médical et dans les maternités, certains et certaines témoignent, des sages-femmes notamment, témoignent du fait qu'il y a encore ce préjugé. Donc selon moi, connaître, identifier, sensibiliser, enseigner l'origine de ces préjugés raciaux permettrait à la fois de les placer à distance et de passer à une autre ère, donc celle qui verrait s'éteindre ces préjugés raciaux. À quel moment vous avez compris ou commencé à réfléchir à cette question de l'impact du racisme sur la santé ? À vrai dire, ça arrivait assez tard dans mon cheminement politique de penser la race et la domination en santé. Miguel Schema, étudiant en médecine, animateur du compte Instagram Santé et Politique. J'ai grandi dans un milieu qui était très catholique, très blanc, très bourgeois, et j'étais un noir bisexuel qui se cherche, et vraiment la manif pour tous... Et tous les petits commentaires sur « tu parles bien pour un noir », ça va... En fait, c'est ça qui m'a poussé à me questionner sur toutes les questions politiques. Et arrive aussi la question policière, de mon frère qui se fait contrôler au lycée devant tout le monde, et c'est le seul qui se fait contrôler. Et à un moment, j'étais en première année de médecine, et je me dis « mais comment ça se fait que je ne me suis jamais posé des questions sur le racisme en médecine, par exemple, ou la domination en médecine ?» Et j'ai commencé à lire sur ce sujet, j'ai commencé aussi à penser à mon expérience à moi dans le système de santé. Ça, c'est une anecdote, mais je suis allé voir un ORL un jour. J'avais oublié ma carte vitale et j'arrive, je me présente à la secrétaire et je dis « Oui, bonjour, j'avais rendez-vous. » Et j'ai même pas le temps de finir qu'elle me dit « Carte CMU, s'il vous plaît. » Et moi, je suis en mode « j'ai pas de carte CMU, j'ai mon attestation de droit. » Et là, elle me fait... Non, je rigole, c'est pas drôle, mais elle me fait « Ils vous ont pas donné une carte vitale quand vous êtes arrivé ?» Et moi, je lui dis « Quand je suis arrivé ?» Et je pense que ça m'a pris pour un réfugié, un migrant. Et je dis non, mais en fait, je suis pas arrivé, j'ai juste perdu ma carte vitale. J'avais pas commencé le rendez-vous, j'avais pas une interaction avec l'ORL, mais déjà, elle m'a regardé. J'étais un problème pour elle. Encore un CMU que je vais devoir gérer. la question de la domination en santé n'existe pas dans la tête des étudiants. En fait, ils sont totalement surpris de voir qu'il y a la domination en santé. Et en fait, pour ceux qui se questionnent un peu ou qui voient qu'il y a la domination, la réponse automatique, c'est celle de « Oui, mais en même temps, quand t'as pas le temps, quand il y a trop de patients... » Et comme si s'il y avait le bon nombre de lits, le bon nombre de patients, le bon nombre de soignants, ça se passerait correctement et qu'il n'y aurait pas de domination. Et non, ils se questionnent pas, ils sont pas politisés, sachant que il faut aussi voir que, comment dire, les catégories sociales dont ils sont issus, en fait. Et même, je pense que dans leur vie, pour certains, ils n'ont pas besoin de se poser ces questions-là. Moi, ce qui m'a totalement choqué, je me rappelle, dans mes cours première année de santé publique, d'histoire de la médecine. Et en fait, je trouvais qu'il y avait des chiffres, mais qu'on leur faisait pas dire quelque chose. Et dans l'histoire de la médecine, il n'y avait pas l'histoire de la domination dans la médecine, en fait. Qui était soigné, comment ils étaient soignés, est-ce qu'ils étaient soignés. Il n'y a pas de sociologie en médecine. Il n'y a pas de... Ces questionnements n'existent pas. Ils existent en santé publique, mais chez les soignants, ça fait pas système avec comment soigner, en fait, dans leur tête. Mais je pense même qu'il y a des grandes résistances en médecine à la sociologie, en fait. C'est la science des sciences et qu'elle n'a pas besoin de la sociologie. Je pense qu'il y a aussi de ça. En France, on ne veut pas voir qu'il y a de la domination, alors qu'elle soit raciale, sexuelle, de genre, qu'il y a des résistances qui sont présentes partout dans le monde social, mais je pense qu'elles sont d'autant plus fortes dans un champ qui s'imagine au-dessus des autres. Sama, médecin à la case de santé à Toulouse. J'ai déjà eu des comptes rendus, par exemple, où il y avait écrit que la personne avait un syndrome dépressif africain, quelque chose qui n'existe absolument pas comme entité. Et on a même été jusqu'à confronter le médecin. Il est venu à la case de santé dans une réunion de synthèse et nous a apporté des éléments pour appuyer son point de vue. Et la question, elle est au-delà de son analyse sémiologique, c'est que donc non seulement c'est raciste, mais en plus la personne n'accepte même pas un traitement qui est adapté. Parce que pour le coup, elle avait un autre diagnostic et sur lequel elle n'avait pas le traitement adapté. Et donc ça impacte directement en fait les gens. Là par exemple, ça impacte. Et de fait, la personne a pu être en errance comme ça, médicale pendant des années, jusqu'à ce qu'elle trouve la porte. Bon, ici ça s'est ouvert et du coup, on a pu changer de médecin et travailler des choses ensemble. Mais quand même... Il y a encore la liberté de pouvoir dire « moi, je pense que c'est ça », alors qu'il y a un cadre, quand même. La personne répond à autre chose que un livre qu'il aurait lu en 1900, je sais pas combien, et qui dit que c'est de la psychose africaine, par exemple. Alors, ça impacte physiquement, mais ça impacte mentalement, et la confiance qu'ils peuvent avoir aussi dans le système de soins, dans le système social aussi. Et c'est pour ça que on dit souvent que c'est des gens qui vont pas vers, enfin, qu'il y a des personnes qui vont pas vers, parce que il y a toutes ces anticipations de qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va m'entendre, comment je vais être jugé. Et alors, le droit au séjour pour raison médicale est un bon exemple aussi parce que j'ai l'histoire d'un monsieur. Un monsieur qui est venu en France parce qu'il était avait une maladie chronique et dans son pays, on lui a dit que c'était impossible de l'opérer. Il n'avait pas les moyens. Il vient et on fait plein de bilans avec, en l'occurrence, une cardiologue. Et elle sait qu'il demande un titre de séjour. Et donc, en clinique, dans la médecine, il y a ce qu'on appelle des signes subjectifs. Et donc, c'est la personne qui va les décrire. Et il y a ce qui est objectif, c'est-à-dire j'ai fait un acte technique qui m'a montré que une radio, un scanner, une biologie. Et donc, elle voulait pas le croire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a entendu qu'il y avait le droit... Et elle me l'a dit au téléphone, hein, donc je suis témoin de ça, où elle me dit, comme il veut un droit au séjour pour raison médicale, j'ai du mal à croire des éléments subjectifs. Et donc, du coup, il faut que je pousse les éléments objectif. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir surmédicalisé des personnes. Elle lui a fait une batterie d'examens pour, au final, d'ailleurs, lui opposer le fait qu'il n'avait pas besoin d'une opération. Et nous, ça nous a mis un peu ça l'a mis en difficulté. Et puis, nous, on avait un peu un doute sur ses compétences, en fait. Est-ce qu'elle était objective dans son rapport au patient? Du coup, on a demandé à un autre cardiologue à Paris, qui nous a répondu que si le patient n'était pas opéré dans le mois, soit il allait mourir, soit un impact handicapant du coup à vie. Et ça lui a permis d'être opéré dans le mois. Il y a eu toute une procédure où on a pu l'orienter vers un autre cardiologue. Mais du coup, comme on a cette survigilance, nous aussi, sur les rapports soignants-soignés, cette survigilance, elle nous permet quand même de mettre en place des choses et de revérifier. Alors du coup, on passe un peu pour les énervés, ceux qui vont insister auprès des acteurs dits militants ou qui travaillent dans le secteur de la précarité. On n'est quand même pas vu comme des alliés tout le temps. Mais il y a une raison qui fait qu'on est dans cette survigilance. Et on a des faits aussi qui montrent que les gens, si tu te bats pas un minimum et si t'as pas cette survigilance, en fait, les gens n'ont pas accès à leurs droits ni à des soins. Et ça, et c'est pas juste des mots, c'est vraiment de façon, c'est des faits, quoi. Les enjeux de domination dans la santé, c'est l'exemple de la prise en charge de la douleur des patients non blancs. Il y a énormément d'études dessus aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, là où il y a des statistiques ethno-raciales. C'est pas possible de les faire en France, mais il y a des études quand même sur ce sujet, où pour des pathologies similaires, des douleurs similaires, des fractures similaires, la dose d'antalgique, donc d'antidouleur qui est donnée au patient, est différente si le patient est blanc ou noir. Et ce que j'aime avec cet exemple, c'est qu'il est purement social en tant qu'il n'existe aucun moyen scientifique de mesurer la douleur du patient. Donc c'est à partir de ce que dit le patient qu'on peut être à même de prendre en charge sa douleur. Toute remise en question de la douleur, ou toute acceptation même de cette douleur, repose sur la vision que le soignant a dû soigner, et est-ce que vraiment dans ce qu'il dit, c'est la vérité ou pas. Il n'y a pas de remise en cause possible scientifiquement. Et je sais que les médecins aiment beaucoup dire qu'ils sont des scientifiques purs, qu'il n'y a pas de social qui est en jeu dans leur pratique. Donc, remettre en question la douleur, c'est purement social. Et ça a une histoire, en fait. Il y a toute une croyance que les Noirs résistent à la douleur. Ce seraient des bêtes comme ça, sauvages, qui auraient une peau très très épaisse, qui les feraient supporter la douleur. Et je prends aussi un autre exemple, le syndrome méditerranéen, qui est une croyance que les personnes maghrébines auraient une propension à exagérer leur douleur. Mais pour décréter qu'une personne exagère sa douleur, il faudrait savoir quel est le niveau de cette dite douleur. Le système de santé n'est pas capable de le faire scientifiquement. Donc c'est qu'ils considèrent que la douleur des Arabes, des personnes maghrébines, elle n'est pas vraiment... Il ne faut pas la prendre en charge, en fait. Chaque fois qu'un médecin dit syndrome méditerranéen, qu'une infirmière ou qu'un pompier, et j'ai entendu, il dit la douleur de l'Arabe ne compte pas, en fait. Témoignage publié sur le compte Instagram Syndrome méditerranéen. Je consulte une dermato et à peine assise, elle ne me pose aucune question, ne me laisse pas en placer une, mais m'enchaîne tous les problèmes que j'ai d'office de par le fait d'être méditerranéenne. Hypercholestérolémie, pilosité au menton, rétention d'eau, problème de poids car absence totale de sport. Je n'ai rien de tout ça. Rendez-vous chez un docteur qui me demande mes origines. Je réponds. Il embraye lors de l'examen, où je suis déshabillée. Ah, les femmes tunisiennes aux seins lourds. Du coup, vous utilisez de l'huile d'olive comme lubrifiant ? J'avais du poids à perdre, et j'ai donc été voir une diététicienne. Après quelques secondes, elle m'a dit que c'était normal, que je ne perdais pas de poids vu les couscous et tagines que je mangeais, et qu'il fallait plutôt aller voir un psy pour m'aider, qu'elle ne pouvait rien faire pour moi. Le syndrome méditerranéen reste un préjugé courant et ce sont aussi des internes en médecine qui m'en ont fait part du fait qu'ils avaient été choqués de découvrir ce soi-disant syndrome méditerranéen. Une femme d'ascendance africaine, Naomi Muzinga, en a été victime à la fin de l'année 2017 après un appel au SAMU. Donc sa douleur n'avait pas été prise en compte. Elle est morte donc à l'issue de cet appel et de cette douleur non prise en compte. Alors le syndrome méditerranéen part notamment de l'idée selon laquelle les personnes originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne par extension auraient un rapport différent à la douleur et notamment qu'elle serait survalorisée. Je prends un rendez-vous à l'accueil d'un service hospitalier. On m'indique que la consultation est à 42 euros non remboursée. J'acquiesce et précise qu'il n'y a aucun problème. Le jour du rendez-vous, on me rappelle le prix quand j'arrive. on vient me chercher dans la salle d'attente en me faisant le même speech. On me l'a dit 3 fois et j'ai accepté. Quel est le problème ? C'est le docteur qui demande. Je fais que passer le message. Consultation pleine de préjugés racistes qui s'est encore terminée sur le 4e rappel de ses 42 euros. Je me présente zen et détendue à la clinique le jour de mon accouchement. Le gars de l'accueil se met à rire et dit que je suis bien calme parce que... D'habitude, les gens comme vous se roulent par terre. Le racisme impacte la santé mentale et physique des personnes racisées de plusieurs manières. Disons que quand on parle de ces sujets-là, on a deux mouvements qui coexistent. D'une part, on a les personnes extérieures, schématiquement les blancs, mais c'est pas que les blancs, c'est toute personne extérieure, qui utilise donc ces stéréotypes et ces préjugés pour exclure une personne ou avoir un comportement excluant envers une personne. Donc, les personnes racisées sont confrontés au quotidien à des situations où ils peuvent être rejetés ou violentés ou ignorés, etc. Et le fait d'expérimenter ça, donc ça crée en fait de l'anxiété, ça crée une fragilité psychologique. Donc ça, c'est un premier mouvement. Le deuxième, c'est l'effet de menace du stéréotype. Rapidement, la menace du stéréotype, c'est le fait d'avoir peur de confirmer donc par sa performance ou son comportement les stéréotypes négatifs associés à son groupe. Donc, par exemple, aux Noirs sont associés le stéréotype d'infériorité intellectuelle. Si je suis dans une position où je risque de confirmer ce stéréotype, je vais me mettre une certaine pression. C'est-à-dire que je vais passer un test d'intelligence ou un concours. Je vais me mettre la pression en me disant « les autres me voient comme une personne noire. Les gens pensent que je ne suis pas intelligente. Donc je vais me mettre la pression pour réussir ce test ». Et donc je me mets tellement la pression, donc ça crée de l'anxiété, du stress. J'ai aussi des pensées parasites qui diminuent mes ressources cognitives, qui font que au moment de passer le test, je n'ai pas assez de ressources pour y arriver justement, et je risque de le confirmer. C'est un cercle vicieux, d'accord ? Donc je pense à ces stéréotypes, ça me stresse, et finalement je n'y arrive pas, je confirme le stéréotype. Donc ça, c'est l'effet de menace du stéréotype. Ça a été mis en évidence aux États-Unis d'abord dans les années 90-95. Sur des Noirs américains, et ensuite ça a été généralisé à plein d'autres groupes stéréotypés. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un stéréotype négatif associé à un groupe, on peut avoir cet effet de menace. Quand j'ai fait ma thèse, en fait, et que j'interrogeais les personnes, je leur demandais est-ce qu'il vous est arrivé d'être mal à l'aise en raison de votre couleur de peau ? Et là, j'avais des exemples de racisme et de discrimination quotidien. Et quand j'ai reformulé, j'ai demandé est-ce qu'il vous est arrivé parfois de penser à ces stéréotypes-là ? Par exemple, pas intelligent, paresseux, ne sent pas bon, etc. Est-ce que vous avez eu peur de confirmer ces stéréotypes ? Et on m'a répondu, dans 100% des cas, c'est ce que je fais tout le temps. Tous les jours, du matin au soir, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je me mets la pression pour arriver à l'heure à mon rendez-vous, pour sentir bon, pour parler doucement, parce que si je hausse un tout petit peu le ton, on va dire que je suis agressive ou agressive. Je me force pour faire des études, etc. etc. D'accord ? Donc, vous avez ce double mouvement où, moi, toute seule, dans mon coin, sans la présence de qui que ce soit, j'ai la pression de ces stéréotypes, et donc ça m'impacte puisque ça crée des appréhensions, par exemple. Ça crée un peu de stress. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pas y arriver ? Ça crée de l'anxiété, etc. Et de l'autre côté, les autres, donc dans mes interactions sociales au quotidien, peuvent me mettre dans une situation délicate ou de violence, etc. Et dans ce sujet-là, moi, j'ai envie de mettre en avant le harcèlement moral discriminatoire, dont on parle très peu, mais qui fait énormément de dégâts. Au niveau de la loi, le harcèlement moral discriminatoire, c'est une forme de harcèlement et de discrimination en raison de l'un des 25 critères de discrimination. D'accord ? Mais moi, je me focalise sur l'origine. J'ai des exemples de personnes qui vivent toujours, qui ont vécu et qui vivent toujours des situations de harcèlement moral discriminatoire qui impactent leur santé. En fait, c'est comme ça ensuite que les personnes viennent me chercher. Ça commence généralement par des remarques, des blagues sur les cheveux. Ah, t'as mis tes doigts dans la prise. La couleur de peau. Ah, t'as pas besoin de bronzer, toi. T'es déjà assez bronzé. Sur les mœurs, sur les habitudes, etc. Donc ça commence comme ça, et à un moment donné, la personne est un peu gênée, en disant bon, ça suffit un peu là de faire des remarques en permanence sur ma couleur de peau. Donc on arrête. Et le problème, c'est que les personnes qui font ces blagues, entre guillemets, rétorquent « Oh, mais t'as pas d'humour. » C'est juste une blague, ce n'est pas intentionnel. Sauf que dans la définition de la loi, le harcèlement moral discriminatoire, l'intention de la personne, de l'auteur, ne compte pas. D'accord ? Ce qui compte, c'est le ressenti et l'impact. Donc ça commence comme ça, et ensuite la personne va voir son supérieur et lui dit « Je subis des remarques et des comportements racistes. Est-ce qu'on peut y mettre fin, quoi ?» Et c'est là où la personne se voit, pareil, rétorquer « T'as pas d'humour. Est-ce que t'es sûr que ça va en ce moment chez toi ?» Ce type de situation crée beaucoup d'anxiété, c'est-à-dire la boule au ventre. J'ai peur d'aller au travail, là. J'ai la boule au ventre, ça va peut-être recommencer, etc. Et ensuite, petit à petit, c'est « Je le supporte pas, je m'isole, en fait. » Je m'isole, je vais plus manger avec eux midi parce que je vais encore recevoir des remarques et rien n'est fait. Et quand la personne commence à s'isoler, on la convoque, on lui reproche en fait son comportement inacceptable. Donc c'est elle. Ça c'est juste le schématique, d'accord ? Mais j'ai des personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont vécu ces situations-là. Des personnes de tous les niveaux sociaux qui vivent ce type de situation. Donc ça impacte la santé mentale. Et petit à petit... ça impacte aussi la santé physique. Moi, j'ai des patients qui finissent par développer des maladies physiques ou des douleurs au dos, au ventre. Et le médecin ne trouve rien, les traitements ne fonctionnent pas. Et donc, on va voir du côté psychologique. Quand on explore l'environnement professionnel, on trouve des situations de racisme ou de discrimination. On a un collectif qui s'appelle Globule Noir qui organise une liste de médecins safe, racisés, pour des patients noirs. Et ça a été une polémique absolument folle, que ce soit la LICRA, le Conseil de l'Ordre des médecins et l'Ordre des infirmiers, qui a écrit un communiqué de presse s'indignant de l'existence de ce collectif. C'est pas surprenant en France qu'il y ait cette réaction-là. Je pense que ça participe à cette volonté de ne pas voir les rapports sociaux de race et la manière dont ils structurent la vie de beaucoup de gens. Et de aussi cette croyance des médecins de « j'ai fait le serment de soigner tout le monde de la même manière, donc automatisme, je soigne tout le monde de la même manière. » Alors même que c'est faux. Et que cette liste portait atteinte à l'honneur des médecins et des soignants. Et en fait, on a des minoritaires qui s'organisent pour prendre soin de leur santé, parce que le système de santé a failli. Et la réaction, c'est de dire « vous êtes communautariste, vous êtes contre nous, vous portez atteinte à notre honneur. » Aujourd'hui, il y a des centres de santé LGBT, ce qui est génial. Et s'ils ont été acquis, c'est parce que le système de santé a failli au moment de l'épidémie du sida. Aujourd'hui, il y en a qui le diront, mais moins personne dira que c'est communautaire, en fait. Et il y a des spécificités de santé. Moi, je pense que j'ai un exemple, par exemple, d'un ami qui est allé voir un proctologue parce qu'il avait des problèmes au niveau du canal anal, etc. Il a dit à son proctologue, ça me fait mal quand je fais l'amour. Le proctologue lui a dit, faites l'amour normalement. Vous imaginez que quand vous allez voir votre proctologue, vous n'êtes pas dans la meilleure position. Et quand vous entendez ça, vous n'avez pas envie de voir un médecin, en fait. Et vous allez garder votre pathologie qui va s'aggraver, etc., etc. En fait, c'est la même chose pour les personnes racisées. On n'a pas envie d'entendre carte CMU quand on arrive, comme ça a été le cas pour moi. On n'a pas envie d'entendre de « vous venez d'où, des blagues racistes », etc., etc. On a envie d'avoir des médecins qui sont à même de prendre en charge notre douleur sans l'invalider. Ce qui arrive, en fait, dans le système de santé. Quand on est malade, on n'a pas envie de subir le racisme ou de devoir gérer les délires racistes des soignants ou des soignants qui ne sont pas équipés, formés, pour voir des pathologies dermatologiques sur nos peaux, pour voir une cyanose centrale, en fait, par exemple. Donc dire « vous portez atteinte à notre honneur quand on s'organise », moi, ça m'a mis hors de moi. Ça m'a pas surpris, mais ça m'a mis hors de moi. La structure ne va pas changer à partir du moment où on met que des Noirs en tant que soignants. En fait, la question, c'est santé communautaire, mais en tant qu'il y a des personnes qui sont formées à comprendre les enjeux de rapports sociaux de race, que ce soit une personne noire ou une personne blanche. Il y a des soignants racisés qui aussi sont racistes, qui ont aussi des biais racistes, inconscients ou non, et qui exposent des patients à tout cela, en fait. Et donc, c'est pas communautaire pour communautaire, en fait. C'est pour trouver ce que le système de santé ne nous donne pas, en fait. Moi, j'aurais pas du tout envie de dire, au vu des recherches que je conduis et au vu de l'expérience clinique que j'ai, que le système français produit du racisme pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a un accès aux soins en France qui continue à être loué par l'Organisation mondiale de la santé comme un des plus égalitaires du monde. Donc effectivement, on voit les failles et on voit aussi comment l'État s'est désengagé des soins les plus précaires et comment certaines associations prennent le relais sur ces questions-là. Donc c'est vraiment dommage et dommageable, mais ça reste néanmoins un des systèmes de soins les plus égalitaires. Donc je pense qu'il faut quand même commencer par le dire comme ça. Et ensuite, quand on va travailler sur la question des perceptions de discrimination, tout à la fois auprès de personnes immigrées et de personnes nées en France de parents immigrés, qui sont bien souvent beaucoup plus alertes sur ces questions-là que leurs parents. En fait, les résultats des grandes études, et notamment trajectoire et origine, semblent montrer que les personnes se sont plutôt moins discriminées dans le champ de la santé que dans beaucoup d'autres des champs sociaux. Ça n'empêche pas que si vous êtes issu d'un groupe minoritaire et que vous avez observé quelque chose, vous l'avez vécu comme discriminant, comme raciste, etc., ça n'empêche pas qu'il y ait des projecteurs qui soient mis assez forts sur certains des comportements médicaux et qui puissent être lus, effectivement, avec des échelles de discrimination, voire de racisme. Donc, mon propos n'est pas du tout de dire « ça n'existe pas ». Aujourd'hui, dans ma patientèle, j'ai des personnes qui viennent spécifiquement pour cette question. Et au départ, l'idée, c'était juste de faire de l'individuel. Et là, j'ai eu beaucoup de femmes noires, en fait, qui m'ont appelé au départ. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes noires. C'est-à-dire que on voit mon visage, mon image, et les personnes se disent, je vais l'appeler. Et j'étais bizarrement quand même un peu surprise. Tiens, pourquoi des femmes noires, pourquoi elles viennent me voir, moi ? Pourquoi les personnes cherchent un psychologue noir ? Parce que, alors, le racisme étant systémique, toutes les sphères, en fait, sociales sont imprégnées de cette idéologie, y compris chez les psychologues. Donc, j'ai des personnes qui ont consulté un psychologue parce qu'elles ne se sentaient pas bien pour X ou Y raison, et elles se sont vues faire face à des remarques racistes, très stéréotypées, très préjugées, très racistes. Et donc, les personnes se disent, je vais voir quelqu'un qui me ressemble, donc elle a au moins ces connaissances-là sur ma culture, ma famille, etc. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut un psychologue noir pour les Noirs ? Ma réponse, elle est claire, c'est non. C'est-à-dire, non, ce que les gens cherchent, c'est pas quelqu'un forcément qui leur ressemble, bien sûr, ça facilite, mais ce qu'ils cherchent, c'est surtout une écoute, une bienveillance, le fait de ne pas juger, etc. C'est une posture, en fait. C'est une posture plus ouverte envers la culture des uns et des autres. Donc, c'est ça que les gens cherchent. Aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai des gens de toutes les origines, y compris des hommes blancs, spécifiquement pour cette question-là. C'est-à-dire que même les hommes blancs qui viennent consulter pour la question du racisme. Pourquoi ? Parce que dans leur environnement, ils se rendent compte, en fait, que dans leur environnement, il y a beaucoup de personnes racistes. Et ils ne le supportent pas. Et ça peut aller jusqu'à l'isolement social. J'ai une personne qui est en isolement social, qui a coupé contact avec tout le monde, qui remet en question des amitiés, qui remet en question est-ce que je vais aller à cette fête de famille ou pas, etc. Comment on passe du racisme à la dépression ? Mais aussi à la dégradation de la santé physique. Les théories, en tout cas, que j'ai lues et qui font sens, c'est que, disons que c'est comme si l'esprit humain était une coquille d'œuf, solide et fragile à la fois. Donc, à force de taper dessus, vous pouvez taper dessus avec quelque chose qui va pas le briser tout de suite. Toutes les minutes, vous portez un coup, et au bout d'un moment, ça va se briser. Les réflexions, les situations de racisme, d'humiliation, etc., finissent par briser donc, psychologiquement les personnes. Et à un moment donné, tout ce stress, toute cette anxiété, toute cette dépression contenue, elle s'exprime en fait par le corps. Tu sais, Naya, ton père soigne la terre entière dans le populaire 9-3, département de Seine-Saint-Denis, souvent montré du doigt, il est moitié rappeur, moitié guérisseur. Ton père aime les êtres humains, soulager les frères et sœurs, il espère être profondément humaniste, croisant la détresse de sombre vie, violente et triste, il écoute et soulage, catholique, juif et musulman, punk, bouddhiste, athée et protestant, témoin de Jéhovah, famille tamoul du Sri Lanka, des Inca, les Rasta, les Soninké, les Bambara, Anisoroma, Dembayaka, Kene, souvent l'histoire des travailleurs qui serrent les dents, le corps niqué, Nietzsche. C'était ce que le racisme fait à la santé, avec Fleur, Priscille Sauvegrain, Delphine Peretti-Courtis, Raki Cassi, Miguel Schema et Sama. Documentation, Caroline Chausset. Lecture, Olivia Mabunga et Sandra Calderan. Extrait du film La Vénus Noire d'Abdelatif Kechiche. Merci à Sadia Sarawi du compte Instagram Syndrome Méditerranéen. 15 ans gâté par mes patients, 15 ans nourris en guise de remerciements. Ils m'ont fait voyager sous l'arbre, les pieds ancrés dans le cabinet. Des heures de palabres, des chemins de vie parfois abîmés. La tête au bled, la tête ici, la tête ailleurs. Ils soutiennent la famille, vivent au foyer des travailleurs tiraillés. Entre la France et les racines, voix éraillée au téléphone, le dévouement me fascine. Des heures, les souvenirs du pays, les montagnes, l'huile d'olive, les larmes de la Kabylie. On m'a tellement parlé de Tizi Ouzou et Béjaïa. J'ai l'impression d'y être allé, de sentir les odeurs de là-bas. Prise de son, Selim Guéribi. Mixage, Manon Houssin. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier. Faire de la santé autrement. Une série documentaire de Claire Richard, réalisée par Assia Rallid. Baffré de maf et de tiep tienne, d'aloco encore chaud et de choucroute monténégrène. J'ai massé des peaux de toute couleur, toute texture, des milliers d'humains, de toute origine, toute culture, des Français maghrébins, d'origine du Pas-de-Calais, d'origine d'Ogon et de la porte de Bagnolet, des anciens du territoire qui ont connu l'occupation, des Roms qui connaissent la discrimination, que générosité d'échange, l'humanité, des rires, des larmes, des soupirs, instants de vérité. Ton père fait ce qu'il peut pour soulager les maux, écouter les joies, les peines, ma petite goutte d'eau.